grand bien vous fasse sur France Inter. Et vous retrouvez désormais les humoristes de France Inter vers 9h55, le temps de l'épidémie. Bonjour François Morel. Bonjour François Morel, je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Ali. Tenir, rester chez soi. Ben, moi aussi. J'avais déjà commencé mon texte, je vous entendais plus, je me suis dit... François Morel, allez-y. Mais je commence maintenant, je vous donne mes recommandations et la liste n'est pas exhaustive. Tenir, rester chez soi, se couper les moustaches et la barbe, lire, écrire, rêver, chanter, cuisiner, manger, boire, regarder les nuages, aux cartes si on est confiné à plusieurs, jouer, au solitaire si on est seul, préférer le silence, regarder des films, couper les chaînes d'infos, à 20h applaudir aux fenêtres sur les balcons, les infirmières, les infirmiers, les doctoresses, les docteurs, les aides-soignantes, les aides-soignants, le personnel hospitalier, applaudir les caissières, les caissiers, les factrices, les facteurs, les livreuses, les livreurs, les éboueuses, les éboueurs et tous ceux qui continuent à travailler pour nous. S'étonner que les plus indispensables soient souvent les plus mal payés. Tomber des nues, ne pas embrasser un flic, même si on s'appelle Renaud, même si on veut le remercier, ne pas trop s'exalter. Faire des voyages, mais dans sa chambre. Faire ses bagages, mais dans sa tête. Des bavardages au téléphone. Apprécier la régularité de son cœur qui bat. Apprendre le chant des oiseaux. Imaginer le retour des dauphins dans le port de Cagliari en Sardaigne. Renoncer à tout, l'espace d'une parenthèse qui est une mise en garde. Tenir bon. Renoncer à tout, l'espace d'une parenthèse qui est une mise en garde. Imaginez le retour des dauphins dans le port de Cagliari en Sardaigne. Apprendre le chant des oiseaux. Apprécier la régularité de son cœur qui bat. Des bavardages au téléphone. Faire ses bagages, mais dans sa tête. Faire des voyages, mais dans sa chambre. Ne pas trop s'exalter. Même si on veut le remercier, même si on s'appelle Renaud, ne pas embrasser un flic, tomber des nues, s'étonner que les plus indispensables soient souvent les plus mal payés, et tous ceux qui travaillent pour nous, les éboueuses, les éboueurs, les livreuses, les livreurs, les factrices, les facteurs, applaudir les caissières, les caissiers, le personnel hospitalier, les aides-soignantes et les aides-soignants, les doctoresses, les docteurs, les infirmières, les infirmiers, sur les balcons, aux fenêtres, à 20h, applaudir, couper les chaînes infos, regarder des films, préférer le silence. Si on est seul, au solitaire, jouer aux cartes si on est confiné à plusieurs, regarder les nuages, boire, manger, cuisiner, chanter, rêver, écrire, lire, se couper les moustaches et la barbe, rester chez soi, tenir. Merci beaucoup François Morel pour ce beau texte, François Morel, que l'on peut voir dans l'extraordinaire troisième saison de Baron Noir sur Canal+. Vous y êtes impérial mon cher François, et merci beaucoup pour ce texte. Merci.